Parce que d'abord, elle était pensée péjorative, mais l'évolution de la négritude a finalement abouti sur l'identité, sur la reconnaissance de l'identité. Bon, en fait, c'est question de comprendre. Hein. Ouais. C'est question de comprendre le terme. Mm-hmm. Et parce qu'avoir même la définition, mm-hmm. on avait dit que négritude venait de mm-hmm. niger, la racine latine, mm-hmm. et nigris, qui mm-hmm. signifie nègre. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir mm-hmm. avec le mot péjoratif. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est tout à fait. Pour Aimé Césaire ici, et dans ses poèmes, mm-hmm. il cherche à exprimer un idéal de retour aux sources de la négritude. C'est ça. Voilà le problème. Mm-hmm. C'est-à-dire que ici, nous pourrons dire que c'est à Paris mm-hmm. que toutes les idées mm-hmm. De l'homme noir mm-hmm. Ont jailli mm-hmm. hein, pour créer une certaine affirmation de l'identité de l'homme noir. Mm-hmm. Vous comprenez là-bas. Mm-hmm. Donc, les noirs étaient en sorte, comme Aimé Césaire veut le dire, mm-hmm. c'est un rejet mm-hmm. De l'assimilation culturelle. C'est ça, et directement, parce qu'il faut évoluer dans cette émission, je vois que nous avons beaucoup parlé dans le concept de la négritude. Et voilà, il y a aussi la clé à cette opposition que Cédar Senghor a apporté quand il a dit que la raison est hélène et la, comment dire, il a dit bien que l'émotion est noire et la raison est hélène. Tout à fait. C'est ça. Moi, je voudrais. C'est une clé miraculeuse, effectivement, miracle. Pour ouvrir le débat ici. Oui. Léopold Sédar Senghor a dit mm-hmm. la raison est hélène mm-hmm. et l'émotion est nègre. Uh-huh. Et si nous suivons les différentes définitions, mm-hmm. prenons Jean-Paul Sartre ce qu'il a dit mm-hmm. La négritude, mm-hmm. ça permet aux noirs mm-hmm. de pouvoir s'affirmer. Mm-hmm. Bon, alors, si nous allons dans le critique ici, mm-hmm. Vous allez trouver qu'effectivement, il y a d'émotions du côté mm-hmm. des Africains, des nègres. Mm-hmm. Prenons le cas, par exemple, de Ole Soyinka, mm-hmm. qui dit que. On n'est pas encore là, c'est la critique. Au niveau des critiques, on n'a pas encore commencé le chapitre. Vous allez trouver que des réactions diverses, c'est ça. Mais en prenant les différentes réactions, mm-hmm. De nègres par exemple, mm-hmm. il s'agisse des nègres de Haïti, De Martinique, de Guadeloupe, des îles, ça, vous trouvez en Afrique. Qu'ils réagissent brutalement. C'est ça. Hein, c'est comme une certaine rebuffade. Brutalement, vous dites Ils réagissent brutalement. Uh-huh. C'est la rebuffade. hein, vous comprenez uh-huh. Alors, si vous trouvez aussi ce que l'homme blanc a réagi, uh-huh. la façon dont l'homme blanc a réagi, uh-huh. il dit que, en fait, la négritude uh-huh. est la représentation uh-huh. d'un homme noir. Uh-huh. Hein, qui est en harmonie mm-hmm. avec lui-même mm-hmm. et la nature. Voilà, alors vous trouvez que la manière de réagir est différente. Je crois qu'innocent il y a un peu plus de raison que d'émotion. Oui. Voilà, la raison est hélène et l'émotion est nègre, a dit Léopold Sédar Senghor. À vous, monsieur Innocent, quelle est la critique à faire effectivement à cette opposition de la raison et de la race? En fait, je vois dans cette phrase que Léopold Sédar Senghor, comme fondateur de 10 mouvements en Afrique et surtout, parce que nous avons dit que le mouvement est né en. Lui, il voit loin. Déjà, il voit que le mot négritude va avoir une signification qui va au-delà même de l'ensemble de ces cultures. Mm-hmm. Parce que en France, il y a eu beaucoup de réactions. Mm-hmm. D'abord, il y a eu naissance de la revue Légitime Défense. Mm-hmm. Et cette revue a connu un seul numéro. Mm-hmm. Parce que les Blancs ne voulaient pas entendre l'identité, la reconnaissance de l'homme noir. Le retour au pays. Oui. Alors, comme nous l'avons déjà dit, mm-hmm. ces trois auteurs, les pionniers, ont pensé aussi mm-hmm. à un journal, le journal L'Étudiant Noir. Mm-hmm. C'est ce journal-là qui a donné naissance au mouvement, au grand mouvement de l'année de la négritude. Mm-hmm. Et progressivement, mm-hmm. nous allons le voir peut-être dans cette émission, mm-hmm. c'est le mouvement de la négritude qui a aidé mm-hmm. le monde noir mm-hmm.

Et alors, si nous pouvons revenir à la question... Mais revenir à la question, oui, je reviens de l'opposition, de l'opposition oui, oui. anglophone face oui. à la production parlons d'abord, francophone. Oui, oui. Parlons d'abord de Liliane Castello. Mm-hmm. Qui est Liliane Castello? Mm-hmm. Liliane Castello, c'est une... Elle a la nationalité belge. Mm-hmm. Disons, elle est belgo-sénégalaise. Mm-hmm. Et elle est professeure de la littérature comparée au Sénégal. C'est ça. Ah, vous voyez que si on parle de nègre, c'est-à-dire elle est entre les deux. Oui. Oui, elle est blanche et elle est nègre, oui, oui, négresse, oui, oui. en même temps. Oui. Et, mais l'autre dont vous avez parlé, Victor Emmanuel Cabrita, il est né au Sénégal. Victor Cabrita, il est né au Sénégal. Oui. Comme Léopold Sédar Senghor. Uh-huh. À 10 ans déjà, Léopold Sédar Senghor a eu le privilège uh-huh. d'étudier dans une école uh-huh. primaire uh-huh. où il y avait le blanc. C'est ça. Ah, c'était ça l'avantage, ça lui a permis aussi de, d'aller de l'autre blanc. Côté. Oui. Vous voyez, maintenant cette histoire-là, mais c'est dit, un état d'esprit. Oui, oui, c'est la présence, c'est la présence, la présence oui. entre le blanc et le noir. D'ailleurs, tout à on montre bien que la colonisation oui. a permis effectivement oui. À chercher, c'est la cause de l'indépendance, oui. d'une certaine manière. Oui. Quand on parle, par exemple, quand on dit que on m'a donné la participation dans les deux guerres, oui. les tirailleurs sénégalais, oui. ils ont été là pour démystifier effectivement oui. Oui, tout à fait. Et ils sont en revenant oui. chez eux, ce sont eux qui ont commencé oui. à lutter pour l'indépendance. Je ne crois pas qu'on peut aller au-delà de ça. Peut-être oui. l'émission tire à sa fin, M. Kawaya. C'était, l'émission était Procope Iseré. Procope Iseré, la production de la radio Iseré FM. La production que vous suivez est chaque dimanche de 15h30 à 16h30. Et avant de vous quitter, je vous dis bien que l'émission est désormais interactive. Procope Iseré a sa propre boîte mail, c'est procope.iseré@gmail.com. Procope Iseré, il suffit d'aller sur la page Facebook, vous écrivez Procope Iseré, vous avez déjà la boîte, vous mettez vos commentaires, vos suggestions et vous écrivez directement sur notre numéro 61 35 8 35 4, effectivement, pour interagir. Gaspard Di Comazambo, j'étais à l'animation de l'émission avec Kawaya Mwanangoi, comme il est collaborateur à l'émission, Innocent Douimana et Jide Nyungeko, ils sont tous trois professeurs au Lité Iteba. Merci d'être avec nous et à la prochaine occasion peut-être. Je vois que le temps risque de nous être un peu infidèle, mais on va essayer effectivement d'être plus profond que ça. Merci. Mm-hmm. L'émission s'arrête ici. Je remercie vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis. On se retrouve dimanche prochain. Vous pouvez découvrir toutes les informations sur les auteurs, les époques, les lieux, les personnages, une problématique, un fait de société qu'un ouvrage évoque, les influences, le genre, les courants littéraires, que sais-je encore. Procope Iseré vous donne la parole, vos idées, vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Procope Iseré, c'est sur la radio Iseré FM, tous les dimanches de 15h30 à 16h30. Procope Iseré, c'est nous, c'est vous, c'est toutes nos idées.